De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bonjour et bienvenue sur Fadjet dans votre chronique de l'huile dans les rouages. Et nous retrouvons avec plaisir Noémie. Bonjour. Bonjour Yves, comment vas-tu? Mais très très bien, content de te retrouver pour une nouvelle chronique. Moi aussi, contente de te retrouver. Alors la chronique précédente était sur les messages risqués. Oui. Une notion que nous allons reprendre dans quelques chroniques. Mais aujourd'hui, tu vas nous parler de la trousse de secours du sauveur. C'est quoi? Alors en fait, c'est comment vérifier que je ne suis pas dans une posture de sauveur. Souvent, quand on fait des messages risqués, dont on a parlé la dernière fois, c'est qu'on a une posture de sauveur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher d'aider parce que c'est quelque chose qui nous valorise, qui nous donne du sens. Et des fois, ce n'est pas toujours très juste parce que ça n'aide pas l'autre à se responsabiliser. C'est comme si on ne lui attribuait pas les ressources de réussir à trouver une solution, à cheminer à son rythme. Et aussi, quand on est dans une posture de sauveur, souvent, on n'est pas vigilant au consentement de l'autre. Et on est en train de nourrir chez nous des besoins, mais on ne se préoccupe pas de si l'autre est OK ou pas, ou si on nourrit les siens. Des fois, quand on aide quelqu'un, l'autre, on ne comprend pas pourquoi tout à coup il est en colère ou finit par nous en vouloir. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi l'autre, il nous en veut. Alors, tu vas expliquer ça avec un exemple. Hein. Je vous propose de partir de l'idée que Brigitte est en colère contre Manu, dans un couple hétérosexuel assez standard, on va dire. Et elle, il lui dit, et ce qu'on peut entendre assez souvent dans un couple, « Ouais, c'est toujours moi qui fais tout ici. La cuisine, le linge, le repassage, les courses, prendre tes rendez-vous médicaux. Même tes rendez-vous chez le docteur, c'est moi qui les prends. » Il y a une partie des gens qui nous écoutent qui se reconnaîtront là-dedans. Effectivement. Et donc, comment vérifier si peut-être l'un des deux n'est pas dans une posture de sauveur et qu'en fait, si Brigitte, elle en est à ce niveau de colère, eh ben, c'est peut-être Brigitte qui a quelque chose à remettre en cause dans sa posture. Ah, il faut se poser des questions pour essayer de trouver un peu la solution. C'est ça. Alors moi, je m'inspire d'une capsule YouTube de Christelle Lacour qui a fondé le centre Switch, Changer en douceur en Belgique. Mmh. C'était ma formatrice à l'époque où j'étais à l'université de Pays et je trouve qu'elle fait des super capsules YouTube. Et elle a fait la capsule La trousse de secours du sauveur. Comment vérifier que je ne suis pas un sauveur dans cette situation en fait? Donc, 5 questions clés à se poser que je vous transmets aujourd'hui. Alors, la première. La première, c'est est-ce que Manu a demandé à Brigitte de téléphoner pour lui pour prendre son rendez-vous? Est-ce qu'il m'a demandé? Est-ce que la personne m'a demandé de faire le truc? Donc, si c'est non, c'est que Brigitte est en sauveur. C'est qu'elle a pris l'initiative sans demander à Manu s'il voulait le faire, s'il l'avait déjà fait, s'il avait besoin d'aide ou pas. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Brigitte a envie de le faire? Si elle le fait à contre-cœur, eh ben, c'est pas juste pour elle et c'est pas juste pour Manu non plus. Ça m'embête, j'ai vraiment pas envie de le faire. Mais c'était sa décision. C'était sa décision. Mmh. Et là, elle a basculé en sauveur en faisant quelque chose à contre-cœur. Autre question, c'est est-ce que c'est vraiment son rôle? Par exemple, on peut partir de l'idée que Manu est un adulte, qu'il a toute sa tête, qu'il est responsable de ses décisions. C'est pas son enfant mineur ou de moins de 16-17 ans. Ce n'est pas sa mère. Ce n'est pas son médecin, etc. Donc, est-ce qu'elle a le statut pour ça? Effectivement, des fois, dans un couple, on a cette problématique-là de devenir le parent de l'autre. Si ce n'est pas le rôle vraiment officiel de Brigitte, son statut, comme ça pourrait l'être dans le travail aussi, est-ce que c'est mon rôle je suis chef d'équipe, c'est moi qui dois décider de comment ça se passe ou je ne suis pas chef d'équipe? Est-ce que c'est mon mandat? Et puis aussi, quatrième question, c'est est-ce que c'est ma compétence? Est-ce que c'est du domaine de compétence de Brigitte de décider quel praticien appeler pour les rendez-vous? Est-ce que c'est à elle de décider qui est mieux à même de soigner, je sais pas, le mal de dos de Manu? Ben, là encore, on est dans le non. Hein. Et enfin, une cinquième question. Une question super importante, c'est est-ce que l'autre fait sa part? Si j'aide quelqu'un et que je prends en charge 100% de la solution, 100% de la prise en charge, bah c'est clair que l'autre n'est pas dans une posture de prendre en charge sa vie et de se responsabiliser. Donc en fait, c'est OK d'aider l'autre si l'autre aussi fait sa part, à la hauteur de ce qu'il peut faire. Donc si Manu n'est pas dans une situation de santé très dégradée, on peut imaginer qu'il est tout à fait apte à aller chercher un numéro de téléphone de praticien sur Internet et de passer un coup de téléphone ou d'aller sur une plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Et donc, tu nous dis que si on répond une seule fois non à ces questions, on tombe dans ce rôle de sauveur. Eh oui, donc on est très souvent, entre guillemets, une place pas très juste pour nous ou pour l'autre. Est-ce qu'on l'a demandé? Est-ce qu'on en a envie? Est-ce que c'est mon rôle? Est-ce que c'est ma compétence? Est-ce que l'autre fait sa part? Et donc, le nombre de situations où ça peut arriver sont très, très quotidiennes, en fait. Oui, oui, oui, c'est très quotidien, c'est dans plein de domaines, le boulot, le couple, la parentalité, la relation amicale. Alors, comment faire pour sortir de ce rôle? Eh bien, ça, c'est au prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.